Et maintenant, nous pouvons continuer. Voici la conversation tout entière à la librairie. Yes, here's the complete scene in the bookshop. But listen carefully, some of the language has changed slightly. And be ready for a short comprehension test afterwards. À la librairie Hervé. Bonjour, monsieur. Madame, monsieur, bonjour. Que désirez-vous? Nous cherchons un dictionnaire. Un dictionnaire français, n'est-ce pas? Non, français-anglais, s'il vous plaît. Eh bien, voilà le plus récent. Il est très utile. Oh, that's a bit big. Oh, je suis désolée, monsieur, mais ce dictionnaire est trop gros pour nous. Nous cherchons quelque chose de plus petit. Plus petit, voyons. Ah oui, voici un petit dictionnaire. Il est assez récent aussi. Oh, that's much better. Merci, monsieur. C'est bien. Maybe a phrase book would be useful too. C'est une bonne idée. Nous cherchons aussi un livre avec les phrases les plus utiles. C'est pour monsieur. Alors, ici, j'ai un guide des expressions pratiques pour les touristes anglais ou américains en France. Et c'est assez petit. Oh, it's good. Si, it has a guide for la prononciation. Oh, yes. Bonjour. Comment allez... Comment allez-vous? How are you? What's this one? Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? What does this mean? I don't know. What does it mean? No. Que veut dire ceci means... What does this mean? Oh, I see. Oh, je comprends. I'll take it. Bien. Merci, monsieur. Il le prend. C'est combien, les deux? Voyons. Le guide est 13 euros, je crois. Oh non, excusez-moi. 12,30 €. Et pour le dictionnaire, 11 €. Alors, ça fait... Alors, ça fait 23,30 €. 23,30 €. Right. Does he take cards, do you think? Monsieur peut payer avec une carte de crédit? Ça dépend. Et Visa? Oh, no. Comment? My wallet's gone. Mais qu'est-ce qu'il y a? It's got my credit cards and all my cash in it. Vous avez un problème? And my passport, too. Monsieur n'a pas son portefeuille avec son passeport, son argent et ses cartes de crédit. Oh là là! Reception. Mais comment? It has to be there. À la réception? Mais pourquoi? Why? Well, I took out my wallet to pay for the map, remember? I must have left it on the counter. Et comment? Peut-être son portefeuille est à l'hôtel. À son hôtel? Ah, je comprends. Voulez-vous téléphoner à l'hôtel? Oh, merci, monsieur, mais j'ai mon portable avec moi. Et maintenant, le numéro de l'hôtel... Oh, non. Excusez-moi, monsieur, mais je n'ai pas le numéro. Est-ce que vous avez l'annuaire? Ce n'est pas nécessaire. J'ai le Minitel. Dites, qu'est-ce que c'est le nom de votre hôtel? Hôtel des Vosges, dans le 4e, je crois. Hôtel des Vosges... ah, voilà. Hôtel des Vosges, rue Victor Hugo. Ah, oh, c'est un nom très célèbre. C'est vrai. Regardez, madame. Ah, merci, monsieur. 01 48 67 48 0 et 3. I hope it's there. Bien sûr. I think it is. Allô? Hôtel des Vosges? Ah, bonjour. C'est madame Andéol et je suis ici à la librairie Hervé avec monsieur Wickham. Oh, comment? Vous avez son portefeuille? Oh, c'est bien, très bien. They have your wallet. Oh, thank heavens for that. Comment? Une télécopie de l'Angleterre? There is also a telecopy, un fax. Oh, qu'est-ce que c'est en anglais? A fax? Oui, c'est ça. Merci, monsieur. Non, ce n'est pas nécessaire. Nous revenons tout de suite. Oui, à bientôt. Il n'y a pas de problème, monsieur. Le portefeuille est à l'hôtel. Ah, c'est bien, n'est-ce pas? Oh, très bien. Oh, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, monsieur. De rien. Mais les livres, vous ne voulez pas... Les livres. Excusez-moi, monsieur. Voilà ma carte de crédit. Merci, madame. 23,30 €. Thanks, Alain. I'll pay you back as soon as I... Pas de problème. Monsieur, attendez un moment. Ce roman de Stephen King, est-ce le plus récent? Oui, madame. Bien, je le prends. Let me get it for you. Monsieur... Oh, non, ce n'est pas possible. Please, you've been so helpful. Oh, vous êtes bien aimable. Monsieur, c'est... C'est combien? Oui, c'est combien? Pour les trois livres, voyons, 12,30 € plus 11, plus 21 pour le roman, ça fait 44,30 €.